Te jure, à la même occasion, les ambassadeurs indonésiens et indiens en Corée ont offert les corbeilles de fleurs et les lettres de félicitations au maréchal Kim Jong-un. En outre, l'ambassadeur malaisien et le chargé d'affaires par intérim nigérien en Corée lui ont adressé les lettres de félicitations. On les a transmises respectivement aux cadres coréens intéressés.